Ça sonne bien. Tu as fait un bon investissement. Et un très joli son. Il doit y avoir une bonne guitare aussi. Ah oui, je vais regarder. Je regarde ça. C'est quoi comme... Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui, je comprends. Comme quoi, des fois, quand on y met le prix. Attends, je vais le copier, je vais aller regarder ça tranquille ce soir après manger. J'irai écouter les démos. Ah oui, mais putain, t'as investi. Oui, c'est cher, gros. Ah oui, t'as du très très bon matériel. Bon, à bientôt. Bonne soirée. Ah oui. Moi aussi, j'ai un petit ampli à lampe, un Black Star. Ils sont super bien, les petits Black Star. Achetez un. Pas trop cher et il fait qu'un watt et c'est impeccable. Il y a une sortie ligne en plus. Allez, je copie tout ça. Je vais regarder ça ce soir. Je vais regarder ta gratte. Thank you.